Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvet Barine, chapitre 4. Comment il commença, au sujet des lépreux, à se vaincre lui-même, et à trouver de la douceur dans les choses qui d'abord lui étaient amères. Un jour qu'il priait Dieu avec ferveur, il lui fut répondu, « François, si tu veux connaître ma volonté, il faut que tu méprises et que tu haïsses toutes les choses que tu as aimées selon la chair et que tu as désiré posséder. Quand tu auras commencé, les choses qui d'abord te paraissaient douces et agréables te seront amères et insupportables, et dans celles qui te faisaient horreur tu trouveras une grande douceur et une suavité indicibles. Tout heureux, et réconforté en Dieu, un jour qu'il chevauchait près d'Assise, il rencontra un lépreux. Et comme il avait horreur des lépreux, il se fit violence, il descendit de cheval, il lui offrit un denier, puis il lui baisa la main, reçut de lui le baiser de paix, remonta à cheval et poursuivit son chemin. Et dès lors il s'humiliait de plus en plus chaque jour jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il arriva à une victoire complète sur lui-même. Peu de jours après, prenant sur lui beaucoup d'argent, il se rendit à l'hôpital des lépreux, et les ayant tous réunis, il donna une aumône à chacun en lui baisant la main. Et en partant, il sentit que ce qui d'abord lui était amer, c'est-à-dire de voir et de toucher des lépreux, s'était véritablement changé en douceur. En effet, comme je l'ai dit, la vue des lépreux lui était si pénible que non seulement il ne voulait pas les regarder, mais il évitait de s'approcher de l'endroit où ils habitaient. Et s'il lui arrivait par hasard de passer près de leur demeure et s'il les apercevait, et si la pitié le portait à leur faire l'aumône par les mains d'une autre personne, il avait soin de détourner la tête et de se boucher le nez. Mais, par la grâce de Dieu, il devint familier avec les lépreux, et se fit leur ami, si bien qu'il restait longtemps parmi eux et les servait humblement, ainsi que son testament en témoigne. Depuis sa visite aux lépreux, il était tout transformé, et il emmenait fréquemment dans des endroits écartés un de ses compagnons qu'il aimait beaucoup. Il lui disait qu'il avait trouvé un grand trésor. Cet homme s'en réjouissait extrêmement, et l'accompagnait toutes les fois qu'il l'en priait. François le conduisait le plus souvent à une certaine grotte près d'Assise et y entrait seul, laissant dehors son compagnon très préoccupé du trésor. Là, pénétré d'une nouvelle et abondante effusion de l'Esprit divin, il priait en secret le Père, désirant que personne ne sût ce qu'il faisait, excepté Dieu seul, qu'il implorait ardemment pour obtenir le trésor céleste. Voyant ces choses, l'ennemi du genre humain s'efforça de l'écarter de la bonne voie où il commençait à s'engager, et de lui inspirer de la terreur et de l'épouvante. Le démon apparaissait à l'homme de Dieu et évoquait en sa mémoire l'image d'une femme horriblement bossue qui vivait Assise, et il le menaçait de lui attacher la bosse de cette femme s'il ne renonçait à son dessein. Mais le valeureux chevalier du Christ, méprisant ses menaces, entrait dans la grotte pour prier Dieu dévotement de le diriger dans ses voies. Cependant il éprouvait une grande souffrance et un grand tourment d'esprit, et il ne pouvait trouver de paix tant qu'il n'aurait pas accompli l'œuvre qu'il avait conçue. Diverses pensées se succédaient en lui, et il en était troublé et inquiet. Il brûlait intérieurement du feu divin, et il ne pouvait cacher au dehors la flamme qu'il avait en l'âme. Il se repentait d'avoir si gravement péché, et il n'aimait plus ni ce passé mauvais, ni le temps présent. Il avait néanmoins reçu la grâce de garder confiance en l'avenir. Et quand il sortait de la grotte pour rejoindre son compagnon, il paraissait changé en un autre homme. Mark M. Dan, archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.